Actes chapitre 8. Or Saul consentait à la mort d'Étienne, et en ce temps-là il se fit une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les quartiers de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et quelques hommes craignant Dieu, emportèrent Étienne pour l'ensevelir, et menèrent un grand deuil sur lui. Mais Saul ravageait l'église, entrant dans toutes les maisons, et traînant par force hommes et femmes, il les mettait en prison. Ceux donc qui furent dispersés, allaient çà et là annonçant la parole de Dieu. Et Philippe étant descendu en la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les troupes étaient toutes ensemble attentives à ce que Philippe disait, l'écoutant, et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes sortaient, en criant à haute voix, hors de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce qui causa une grande joie dans cette ville-là. Or il y avait auparavant dans la ville un homme, nommé Simon, qui exerçait l'art d'enchanteur, et ensorcelait le peuple de Samarie, se disant être quelque grand personnage, auquel tout était attentif, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, « Celui-ci est la grande vertu de Dieu. » Et ils étaient attachés à lui, parce que depuis longtemps il les avait éblouis par sa magie. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait touchant le royaume de Dieu, et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes et les femmes furent baptisés. Et Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il ne bougeait d'auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était comme ravi hors de lui-même. Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors Simon ayant vu que le Saint-Esprit était donné, par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent, en leur disant, « Donnez-moi aussi cette puissance, que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as estimé que le don de Dieu s'acquiert avec de l'argent. Tu n'as point de part, ni d'héritage, en cette affaire, car ton cœur n'est point droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté, et prie Dieu, afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel très amer, et dans un lien d'iniquité. » Alors Simon répondit, et dit, « Vous, priez le Seigneur pour moi, afin que rien ne vienne sur moi des choses que vous avez dites. » Eux donc, après avoir prêché et annoncé la parole du Seigneur, retournèrent à Jérusalem, et annoncèrent l'Évangile en plusieurs bourgades des Samaritains. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe, en disant, « Lève-toi, et t'en va vers le midi, au chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Lui donc se levant, s'en alla. Et voici un homme éthiopien, eunuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, commis sur toutes ses richesses, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait, assis dans son chariot, et il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi, et te joins à ce chariot. » Et Philippe y étant accouru, il l'entendit lisant le prophète Ésaïe, et il lui dit, « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et il lui dit, « Mais comment le pourrais-je comprendre, si quelqu'un ne me guide ?» Et il pria Philippe de monter et s'asseoir avec lui. Or le passage de l'Écriture qu'il lisait, était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a point ouvert sa bouche. En son abaissement son jugement a été haussé. Mais qui racontera sa durée, car sa vie est enlevée de la terre ?» Et l'eunuque prenant la parole, dit à Philippe, « Je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même, ou de quelque autre ?» Alors Philippe ouvrant sa bouche, et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un lieu où il y avait de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant, dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ayant commandé qu'on arrêtât le chariot, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe est l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, et tout joyeux il continua son chemin. Mais Philippe se trouva dans Azote, et en passant il annonça l'Évangile dans toutes les villes, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée.